Le 23 juin, selon la radio sud-coréenne MBC, les délégués de l'Assemblée nationale du Parti démocrate d'Oburon, du Parti de la population et du Parti de la justice, parti de l'opposition sud-coréen, ont présenté en commun un projet de résolution sur la démission de Park Sung-chun, chef du bureau de récompense et décoration, qui a tenté de livrer à la ville de Gwangju, à l'occasion du 25 juin, la marche de la 11e brigade de parachutage sud-coréenne, tristement célèbre pour le carnage des insurgés et d'autres citadins lors du soulèvement populaire de Gwangju en mai 1980.